Bout de chabois. Waouh. Ça se donne. Mais c'est pas possible ça. One, two, one, two, three, let's go. Ou habillé ou, ou maquillé ou, ou préparé ou, ou manicuré ou, épilé ou, parfumé ou, couponné ou. Tout ça pour veiller moun rete si zé pas kamisé ou. Rete à casa ou, rete à casa ou. C'est ou vina pour veiller moun rete yon cabana ou. Pow, pow, à casa ou, à casa ou. Ou pas qu'à danser pour moun pas même avec copina ou. Ou si zé en mouvement là, inutile en mouvement là. Ou pas qu'à danser, pas qu'à consommer à dans mouvement là. En doubout pas d'ouvent là, porte à bas ou en charge en mouvement là. En qu'à mander pourquoi EDF pas qu'à prendre courant là. Toute soirée là ou si zé, pas qu'à boire, pas qu'à miser. Ou qu'à veiller vite à moun, ou pas qu'à amiser. Ou vine faire la belle sur les réseaux, toute soirée là ou qu'à filmer. Quand vine faire là, la prochaine fois faut rester à casa. Rester à casa. C'est ou vine là pour veiller moun, rester yon cabana. A casa, a casa. Ou pas qu'à danser pour moun pas même avec copine. Yo j'avoue zouk, oula. Yo j'avoue dancehall, oula. Yo j'avoue bouillon, ou si c'est là. Yo j'avoue trap, yo j'avoue rap, ou si c'est là. Yo j'avoue African style, oula. Yo j'avoue jump up, soca, oula. Yo j'avoue gouillade, ou si c'est là. Yo j'avoue mes ex et mes ex, quand c'est là. Donc rete à casa, rete à casa. C'est ou vin la pour veiller moun rete yon cabana. Pow, pow, à casa, à casa. Ou pas qu'à danser pour moun pas même avec copine. An te jade ou vini ou, sou se yon mauvais chèw. An ja bien malade, an ja fumé, an ja boue de bière. Sou fè malè ou leve, sa sou kan kay vin de yè. Ou ja konnet sou vre ou, leve an ke wayne en ver. A dan kaz ou an plein air, sa ka pété mon frère. A rendi ou apresente sete event kel paye nèr. 9713 Goubert, nou on sait comment faire. Ou ja konnet mon frère, ka nou ka di. Rete à casa ou, rete à casa ou. Se ou vin la pou veye moun rete yon cabana ou. Pow, pow, à casa, à casa. Ou pas qu'à danser pour moun pas même avec copine now.